Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendant où vous écoutez. Bienvenue au Palmarès, c'est fou. C'est cette édition des Palmarès pour la semaine du 2 au 8 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante et Jasmine Raymond-Drinville sera avec moi dans environ une demi-heure, une heure pour co-animer l'émission avec moi. Émission très chargée aujourd'hui avec, entre autres, la chronique Drop the Bass avec DJ Catardi. On a aussi les meilleurs moments d'assemblage requis avec un instant classique et, en entrevue, la formation Mauve qui figure sur nos Palmarès. Ils seront avec nous par téléphone plus tard dans cette émission. On a quelques nouvelles entrées. Il y en a 6 en tout, entre autres David Giguère, Dry the River, Fred, The Shins, Yukon Blonde. On va débuter par contre avec Robopop dans quelques secondes. Le temps de vous dire nos numéros 1 la semaine passée. En franco, c'était avec Podcast et la pièce Talent. Alors qu'en anglophone, c'était Full Circle de Half Moon Run. On va voir si ça tient d'ici la fin de l'émission. Mais comme je disais, on commence en 20e place francophone. Voici Robopop et Planétarium sur C'est fou au 89.1 FM. J'ai beau hurler, frapper sans ça, je ne suis qu'un numéro. J'ai beau frapper, donner des coups de pied, je n'ai pas ce qu'il faut pour jouer le héros. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, au bout du temps, nous sommes tous qu'une héroïne. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, toi et moi, comme les autres, nous sommes qu'une héroïne. Nous sommes beaux, au bout du temps, nous sommes tous qu'une héroïne. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, toi et moi, comme les autres, nous sommes qu'une héroïne. J'ai beau gratter, rien ne fait partir ce numéro. J'ai beau chercher, j'ai beau creuser, on me ramène sans cesse à la case zéro. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, au bout du temps, nous sommes tous qu'une héroïne. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, toi et moi, comme les autres, nous sommes qu'une héroïne. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, au bout du temps, nous sommes tous qu'une héroïne. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, toi et moi, comme les autres, nous sommes qu'une héroïne. Des héros sans âme, sans idée. Numéro 20, nouvelle entrée. I'm hoping, I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. I hear you calling out. Deux nouvelles entrées en 20e place. Ça, c'était Yukon Blonde avec Stairway en 20e anglophone. Et en franco, on a entendu Robopop avec Planétarium. Leurs deux albums, dans le fond, à Yukon Blonde, c'est Tiger Talk. Et à Robopop, c'est La Vengeance du Capitaine Tom Morrow. Malheureusement, pour Robopop, c'est seulement un maxi. Donc, quelques pièces à se mettre sous la dent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Robopop et moi, ça me manquait. Je suis très heureux de les revoir. Les réentendre, du moins. On va faire un petit bloc spécial ici. On va sauter par-dessus quelques trucs en franco qui ne sont pas de nouvelles entrées. Donc, on va se concentrer à seulement se dépêcher à jouer toutes les nouvelles entrées en ce début d'émission. Donc, on va entendre plus tard Dry the River, Fred et The Shins, mais on débute en 19e franco. Voici David Giguère et le deuxième extrait de l'album ICO, c'est La Chose. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et ça, ben, on retrouvera pas ça ailleurs qu'à C'est fou, hein? 89 FM. Genre, c'est le temps. Je fais un pas devant. Je te vois et je m'éteins de tout mon long. C'est sûrement les vapeurs qui me montent à la tête, qui me font dire que ta splendeur me convie à la plus belle des fêtes. Parfait, je suis plein de défauts, mais j'ai quand même plusieurs attraits qui penchent en ma faveur. Je suis pas là pour te mener en bateau, te compter que j'ai le plus brave de tous les matelots. Roméo et Juliette, c'est ben beau, mais oubliez pas qu'à faim, ils font pas juste des beaux dodos. Je suis pas dans un pont de fait, mon grand. C'est toi qui me parles d'amour, alors je suis là à me demander si t'es pas pour moi. Le centre de la chose voudrait des réponses sans poser trop de questions. J'ai posé pas pour toi. Numéro 19, nouvelle entrée. Done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt. On a football field and a kiss that I kept under my vest. Set fire to everything you know with the rest. Yeah. By the River, la pièce Weights and Measures en position numéro 17 anglophone. C'est une nouvelle entrée. Avant ça, on a entendu, on a sauté par-dessus Audionaut avec Sur les ondes qui descendait de 7 places. Avant, on a entendu Fred, que j'adore tellement, avec l'album Leaving My Empire. La pièce s'appelle If Not Now, When. En 18e, on a sauté par-dessus Medicaid Club et Au Canada parce que c'est sa 7e semaine. Ça descend de 2 places. On a entendu avant ça The Shins avec Simple Song en position 19, nouvelle entrée sur l'album Port of Morrow. On a débuté avec David Giguère avec La Chose. Et ça, ben, c'est la dernière nouvelle entrée du côté francophone sur l'album ICO. On a fait un petit peu de ménage, donc on a sauté par-dessus quelques trucs. Continuons à sauter des choses tant qu'à être dans ce coin-là. Du côté anglophone, la 16e aurait été Band of Scars avec The Devil Takes Care of His Own. 8e semaine de présence, mais moins 4. Et du côté franco, c'est les Revenants avec Beau Danseur qui descendent de la 7e place, 6e semaine de présence. On va aller du côté des 15e places. Tout à l'heure, il y aura Islands avec This Is Not a Song. 2e semaine, ça monte d'une place. On débute avec Malajube qui monte de 3. C'était aussi nouveau la semaine passée. Voici Œil pour Œil dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles, hein? C'est ça. Ça vient de là, ça vient de ça. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'était bien la chanson « This is not a song » de la formation Islands. C'est la position numéro 15, anglophone. Et puis, ça monte d'une place, c'était nouveau la semaine passée. Avant ça, on a entendu en franco, Malajub avec œil pour œil, ça monte de 3 places. C'était aussi nouveau la semaine passée. Et maintenant, on va passer directement du côté anglophone à la 14e place parce qu'on saute par-dessus Salomé Leclerc, qui est là depuis 7 semaines. Ça monte d'une place, « Garde-moi collé » sur l'album « Sous les arbres ». On s'en va directement entendre « Duchess Says » qui descend de 4 places. Voici « S.O.H. » Sur C'est fou 89 FM, vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Et restez là parce que tantôt, DJ Catardi et sa collègue Drop the Bass. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Understand it. This wind and the right wind fall. Calvary, Wind Song, position numéro 13 qui monte d'une place en anglophone. Du côté francophone, c'était les Breastfeeders avec Poupée à dormir debout qui descend d'une place. Hey, surprise, c'est Jasmine Raymond Lévy. Allô! Ouais. Ça va bien? Mais oui, toi! Très, très bien. Avant, on a entendu Dutch 16 en 14e anglophone qui descendait de 4 places avec SOH et on a sauté par-dessus le numéro 14 francophone. Garde-moi collé de Salomé Leclerc. Je sens un thème, on dirait qu'on la saute souvent, mais vieille, tu sais. Ouais. Cette semaine, c'est quand même. Elle est longue aussi, quand même, il me semble. Longue. Es-tu longue? Très douce. C'est pas mauvais, mais c'est doux. C'est ça. Moi, je suis sur un gros high de sucre de cabane à sucre, là. Hey, je pense que je l'ai mangé 6 bâtons, là. Ça n'a pas d'allure, je suis pas capable. Oui, puis des 3-4 cornets. Oh. Oui. Il était plus arrêtable. J'ai pas réussi à avoir du réduit, par contre. Ah, moi, c'est parce que j'étais bénévole, effectivement, ouais, que le monsieur. Ben, j'ai demandé si je pouvais n'acheter, tu sais. Ah, ouais? Non. Ah. Je voulais vivre ça, boire du sirop d'érable dilué. Genre. Ah, c'était bon. Mais pas dilué, c'est pas dilué en fait. Non. C'est juste avant qu'il devienne glacé. Pendant qu'il y a encore de l'eau dedans, tu sais. C'est ça. Bon. Donc, on est rendu au 12e place du côté. En passant, juste une petite parenthèse pour ceux qui, là, soudainement, auraient envie d'aller manger de la tire, c'est fini. C'est fini à 2h. Puis, de toute façon, c'était jeudi, donc pour ceux qui écoutent le vendredi ou le lundi. Ça fait plus que 2h. Pas mal plus que 2h. Ça fait 26h ou encore, là, je suis plus capable de compter à partir de là. L'année prochaine. Ouais, c'est ça. Donc, 12e place du côté anglophone, ce sera The Bar Brothers et l'excellente Beggar in the Morning qui descend de 3 places. Et juste avant, on entendra Marie-Pierre Arthur avec la tout aussi excellente Si tu savais qui monte de 5 places. Moi, j'en reviens jamais. C'est aussi bon que de la tire, ça. Moi, c'est ma préférée. Se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. La réalité pour mieux continuer de rêver, mon amour. Ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer, mon amour. Mais pardonne-moi si tu savais pour toi j'aurais. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, j'ai préféré me défiler. Mon amour, pardonne-moi si tu savais, pour toi j'aurais. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? Si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. Numéro 12. Thank you. outskirts of this town. Been terrorized by what I found. I saw a standing virgin bride, but holy Dionysus died. She tore the heart out of his side and laid it there as she cried. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, she said, hello, I'm a monster too. And what poisons me is what poisons you. And to these animals we grew. When we were young, our eyes were blue. Well, I take my medicine on my knee twice a day. From my door, and it makes me rich and it makes me poor. I'm a beggar in the morning, I'm a king at night. My belt is loose, my trigger is tight. I may come without warning, at the speed of the light. Make it shine so pretty, make it shine so bright. Brothers et Beggar in the Morning. Ça descend de 3 places en 12e anglo. Avant ça, on a entendu Marie-Pierre Arthur qui, elle, monte de 5 avec Si tu savais sur son album Aux Alentours. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec la musique des Delaware Chuck, Fanny Bloom, Sago, Plants and Animals, Kazabian, Charlie Winston. Aussi notre entrevue avec Mauve. On a aussi Drop the Bass, un instant classique et ailleurs dans les palmarès et plein d'autres choses. Jasmine va être de retour. Ça va être super bon. On va avoir du plaisir. Restez là! C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Bon. Bon retour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Jasmine Raymond-Drainville. C'est ça, Jasmine Raymond-Drainville, bravo. Bravo, Mathieu Plante. Bravo d'exister. Ben, tabarouette. Tu sais, non? Mais que me vaut cet honneur de compliment? Ta présence. Ah, oh. Oh, hein? C'est tellement cute. Donc, cette deuxième heure débute avec les positions numéro 11 du côté anglophone. On va retrouver Plants and Animals avec Light Show qui était nouvelle la semaine passée et qui monte de 6 places. Du côté francophone, Fanny Bloom avec Parfait Parfait qui redescend assez rapidement, qui est en deuxième et qui est maintenant en onzième. Ouais, c'est dommage. Au revoir. Dommage, dommage. Dommage, dommage. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est des palmarès, c'est fou. Ben oui. C'est ça. Down, reeling I should change my point of view. Inspiration for everybody. It's wishful thinking for the whole human race or whoever. Light Show de la formation Plants and Animals. C'est la position numéro 11. Ça monte de 6 places. C'était le vôtre la semaine passée. Du côté francophone, on a entendu Fanny Bloom avec Parfait Parfait qui était en deuxième la semaine passée. Merveilleux, ça! Mais ça... Hey, Jasmine, tu sais qu'il y a plein de choses qui s'en viennent dans l'émission d'aujourd'hui? Oui! Hey, ça n'arrêtera plus. Là. Une fois que ça va avoir commencé, on n'éteint pas cette valve-là si facilement. Là. Ça va être fou. Fou. Il va y avoir la chronique Drop the Bass avec DJ Alcatardi. Ça s'en vient très bientôt. Oui. Il y a les instants classiques d'assemblage requis. Oui. Ça, c'est toujours excitant. Ben oui. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? L'entrevue avec Mauve. Oui. Oui. Oui. Oh yeah. Donc, tout ça d'ici la fin de l'émission dans quelques heures. Je pense qu'on a quoi? Il nous reste deux heures à peu près. Je pense que ça va rentrer maintenant. Pas pire. On va essayer. Ouais. On va y aller donc avec les positions numéro 10 du côté anglophone. Ce sera Kessavienne qui monte de 9 places. C'était nouveau à se passer. Days Are Forgotten. Du côté francophone, les Dale Hawerchuk avec Facebook qui monte de 4 places. Ah ben, Colin. Ça tombe bien parce que... J'aime. Tu veux-tu le réentendre? Pas ce bandeau qui dit, là, mais... Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Il y a un S en tout cas, là. Eh ben, trop bizarre. It's not grave. We'll be right back. Que c'est bien, la pièce Days Are Forgotten qui monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée. L'album s'appelle Velociraptor, mais avec un point d'exclamation. Velociraptor! Direct comme ça. À peu près de même. Hein? Bon. Je suis sûr que c'est le même qu'ils disent. Probablement. Ouais. Du côté francophone, juste avant, on a entendu Facebook des Dale Howard Chuck qui remonte de 4 places. On n'a pas trouvé ce qu'ils disaient au début. Pas capable, pas trouvé. Même dans le livret, on ne sait pas, non? Non, c'est pas écrit. C'est peut-être j'aime, mais prononcé drôlement, comme en allemand. Ben oui. On est rendu aux 9e place. Du côté anglophone, il y aura Charlie Winston avec Hello Alone. Ça descend de 2 places. Ouais? Non? Oui? Du côté francophone, ce sera Sago avec Une vieille taupe. C'est pas ça? Oui. Non, c'est parce qu'on jouait avec mes écouteurs, puis là, j'ai... je comprenais plus ce qui se passait. T'avais parce que j'entends plus rien dans mes écouteurs. Voilà. Ma voix était encore plus désagréable qu'à l'habitude de mettre en... Ah voilà, tout va bien, j'ai reconnecté mes écouteurs. Sago, Une vieille taupe. Hey, à tantôt, DJ Catardi s'en vient. C'est très bien. Non, elle prend le truc au beurre. Tu parles pour rien, tu parles dans le beurre. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Il travaille dans une mine, mais pas une mine de crayon. Une mine sale mine, une mine de ferraille. Une vieille taupe, une vieille taupe. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Et quand la cloche sonne pour manger le bourguignon, ses compagnons résonnent et lui font péter les poings. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Et c'est là que ça détonne. Il retourne dans les baffes. C'est à 10 000 pieds sous terre qu'il a construit sa maison. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Et c'est avec les vers et les petits fourmilions qu'il dormit sans peine. Comme un vieux garçon. Alone, alone. saw the mirror on the wall. But it's no use to pose the question, no, when the answer's never she. And then I have to face up to the facts, with saxophones and old trombones carrying me home to say hello. Alone, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Oh, hello, alone, you might as well come in. We've been making beds for too long. Perhaps I'll take a holiday and get as far away as I can. But then I'd just be far away and just as much a lonesome man, with his head in his hand. Chanting alone, alone, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Ooh, alone, alone, you might as well come in. We've been making beds for too long now. Whoa, whoa, whoa, we've been making friends for so long now. Hey, hey, we've been sharing beds for so long. Charlie Winston et Hello Alone descendent de deux places en 9e anglo. Juste avant, en 9e place francophone, on a entendu Sago et Une vieille taupe qui remonte de 4 places. Mm-hmm. Tout à l'heure, on va avoir en entrevue un membre de la formation Mauve pour parler de plein de choses super intéressantes. Tu sais, leur nouvel album Cinéma Plymouth, comment il est bon? Hein? Leur seul album, en fait. Là? Ouais, ben, c'est ça. Nouvel, ça. Ben, nouveau récent. Nouveau, récent nouveau, premier ouais. Nouveau récent. Tout ça. Tous les mots s'appliquent. Oui. Ouais. Donc, Mauve, tantôt, mais avant ça, on écoute les 8e places du côté anglophone. Ce sera Set the Whale avec We Are 1980, c'est l'ancien numéro 2. Du côté francophone, Winter Myths avec Le Paradis qui remonte tranquillement d'une place. Au palmarès, c'est fou. Eh oui. OK. Si je le dis. Je le dis, moi aussi. C'est ça. it's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find, accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again, well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past, cutting down trees and using up guys. We've got Mandarax, loveless sex, and information passing right through our skinny bones. Spot on with my content for the lesson. Sleep at night. Know I had rules and know I had to abide. We've got Mandarax, loveless sex, and information passing right through our skinny bones. Said the Whale, We Are 1980. Et ça, c'est bon. Et c'est la position numéro 8. Ça descend de la deuxième, par contre. Juste avant, on a entendu Le Paradis de Wintermute qui remonte d'une place. Mm-hmm. Là, c'est vrai, on est à quelques minutes à peine de parler à la formation Mauve. Mais avant ça, c'est drôle parce qu'on est rendu exactement au bon endroit dans le palmarès. C'est Mauve qu'on s'en va entendre. Hey, incroyable. Position numéro 7, ça monte d'une place. Voici Mauve et Chérie. Écoute-moi. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que tout finira par s'arranger. Bon, écoute-moi, ma chérie. Vent du nord qui ne cesse de souffler, je m'en suis méfié. Il voulait loin de toi m'emporter. Oh, mon cœur avait fleuri de ton sein nourri. La pièce Chérie, écoute-moi de la formation Mauve sur leur album Cinéma Plymouth, c'est en position numéro 7 du palmarès francophone. Tout à l'heure, on écoutera la septième place anglo, mais avant ça, ça donne drôle parce qu'on reçoit plusieurs des membres de Mauve en entrevue. Bonjour à vous tous. Hey, salut, ça va? Salut. Mais oui, ça va. Ça va très bien. Est-ce qu'on peut savoir à qui on parle en termes de différentes lignes téléphoniques? Et dites-moi le numéro de chaque, non, c'est pas vrai. Juste oui, Jean-Christophe, le batteur. Mm-hmm. Puis Alexandre, guitariste, chanteur. OK, donc là, vous êtes deux, et plus tard, je crois qu'il y a un troisième membre qui va se joindre à nous. Bon, en fait, il y a un téléphone qui vient s'avérer défectueux, fait qu'on va être probablement être deux, ou on va se partager ça. Ou peut-être une voix aussi perdue dans le reverb en arrière, je sais pas trop. Un choriste. Exactement. Bonjour. C'était lui de loin, ça. Donc, commençons avec quelques petites questions sur le groupe. Depuis quand est-ce que vous travaillez ensemble, Mauve, et parlez-moi un petit peu de l'historique derrière votre groupe. Ça remonte quand même à quelques années. Là. Moi puis Alexandre, on faisait de la musique dans un autre groupe. Dès le secondaire. Hein? Ouais, dès le secondaire. Fait qu'on jouait de la musique en anglais, puis on faisait bien des expérimentations. C'était bien du plaisir, mais aussi bien de l'insouciance en arrière de tout ça. Puis, mais le groupe s'est séparé, fait qu'on a décidé de repartir quelque chose de neuf, avec du sang neuf. C'est là que Julien et Cédric se sont joints à nous. Puis, on s'est mis à chanter en français, puis... C'était bien de chanter dans la langue de Gaston Miron, parce que là, d'un coup, je pense qu'on s'est mis à prendre les choses plus au sérieux, puis comme les choses ont débloqué depuis. Ça fait peut-être 3 ans, bientôt 4 ans, en fait, je pense, qu'on travaille, là, puis il y a des chansons qui sont sur l'album qui datent d'à peu près ça, 3 ans et demi, 3 ans, peut-être. Ouais. Lesquelles, mettons? Annie Hall, celle qu'on vient d'entendre, Chérie, écoute-moi, c'est une des plus vieilles aussi. Le bal aussi, mais dans une version pas mal... revisité, là, c'était plutôt différent, mais ouais. Vous dites que vous avez décidé de composer, dans le fond, en français, ouais. Mais vous jouiez de la musique anglophone aussi. Pourquoi cette décision de ne sortir un album, finalement, qu'en français? Ben, en fait, finalement, on était vraiment influencé par Kraftwerk, le groupe d'électro allemand. Oh. On voulait chanter en allemand parce qu'on trouvait que c'était vraiment... Wow. C'est surtout dans notre style de musique, si on chantait en allemand, on a peut-être des chances de faire des tournées à l'international, ça nous excitait beaucoup, mais on s'est rendu compte que notre accent était vraiment trop mauvais. Fait que, c'est plus par dépit, en fait. Si on pouvait, on chanterait pas en français, mais par dépit, on s'est mis... Parfait. Est-ce que vous prévoyez pratiquer votre anglais, puis peut-être un jour composer en anglais, ou c'est peine perdue? Sur une note plus sérieuse, non, on chantera jamais en anglais. En fait, les déboires anglophones du début, c'était plus dû à l'insouciance et à l'inconscience... de l'adolescence qu'à autre chose. Dès qu'on a pris conscience de qui on était, on s'est rendu compte qu'on était francophone, puis la question était résolue. Tant mieux. Donc, non seulement vous êtes polyglotte, vous êtes aussi, comment est-ce qu'on dit, multi-instrumentiste. Je pense pas qu'on puisse dire poly-instrumentiste. Ouais, multi-instrumentiste. Oui, c'est ça. Vous jouez d'une tonne d'instruments. Là, je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'instruments dont vous jouez. Lesquels et où est-ce que c'est autodidacte? Est-ce que vous avez suivi des cours de musique? Non, on est pas mal autodidacte, en fait, à part les quelques cours de musique au secondaire. Il n'y a personne qui a suivi de formation réelle. On s'est peut-être appris à jouer de la musique mutuellement. Là. En fait, on a appris à jouer en groupe, là, en écrivant des chansons, puis en les arrangeant, ce qui fait qu'on a appris à gosser sur des trucs dont la chanson avait besoin pour être habillée comme il fallait. Là. Donc, c'est ce qui explique peut-être... Là. De multi-instrumentisme. Mmh. C'est quand même drôle, justement, on n'est pas 4 musiciens qui jouent chacun de notre bande, qui se rencontrent une fois par mois pour montrer les tunes qu'on a les uns aux autres. Au niveau de la composition aussi, c'est comme ça que ça marche. Au début, il y a quelque chose quand même d'assez épuré, une mélodie, quelques accords, mais autour de ça, on construit des trucs. Fait que c'est peut-être à cause de cette optique-là dans laquelle on compose nos chansons qui fait qu'on finit par jouer plein de trucs, parce que c'est... Notre but, c'est pas d'être show-off, tu sais, puis de montrer 500 000 affaires, mais des fois, on se dit, crime, peut-être que la chanson a pas de besoin de guitare, puis elle aurait besoin d'accords d'orgue à la place. Bon, ben, on va mettre de l'orgue, mais. Ça, on n'hésite pas, là, on travaille sur des nouveaux trucs, là. Il y a des. Où Cédric, le bassiste, fait la basse et la batterie en même temps, là. Jackson, le batteur, vient jouer du clavier, où on s'échange des trucs comme ça, là, pour servir la chanson. Bon, mais le résultat est toujours très intéressant. Ouais. Au niveau du nom du groupe, probablement que vous vous l'êtes fait demander des milliers de fois l'origine du nom. Selon moi, c'est le nom de la fleur, j'imagine. Est-ce que ça provient de là, le nom Mauve? Ouais, c'est un peu rapport avec la fleur, en fait. Là. C'est une longue histoire où il y avait une aventure pas très claire là, entre John et Julien et une fille, puis ça s'est départagé sur les fleurs apportées. Là. En fait, le choix s'est fait parce que le bouquet de mauve a prévalu sur le bouquet de rose. Mmh. Ça aurait pu s'appeler Jasmine aussi, comme notre co-animatrice ici. Ça aurait pu s'appeler comme moi. Vous dites que vous aimez la nostalgie, l'esthétique pop des années 60. Je pense qu'en regardant ce que vous faites, c'est pas mal évident. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans, musicalement, mais pas juste ça, autre que musicalement aussi? On s'est rendu compte que c'était un peu, on s'est peut-être un peu à voir en parlant peut-être un peu trop dans nos débuts là, des années 60, là, parce que c'est quelque chose qui nous est accolé ou on est peut-être de moins en moins à l'aise, en fait, parce que ce qu'on aime dans les années 60, c'est pas tant, oui, on aime ce qui s'est fait, puis on aime l'esthétique, mais on aime aussi, en fait, la liberté que la musique pop avait à l'époque, là, par exemple, les Beatles, ils faisaient ce qu'ils voulaient, puis ça restait de la musique pop, là, ils faisaient du folk, ils faisaient du... proto-métal, ils faisaient des collages électro, mais ça restait tout dans un cadre de chansons, puis c'est un peu cette liberté-là là, qu'on recherche. Le pop, ça reste un genre, en fait, à l'époque, qui était assez malléable, puis c'est ça qui est le fun. Il s'agit de trouver une bonne mélodie, mais l'enrobage, tu peux faire un peu ce que tu veux avec, fait que c'était le but de retrouver cette liberté-là, cet esprit-là, c'était le fun, sans être collé à un son de l'époque, parce que c'est drôle, tu sais. Pendant qu'on enregistrait le disque, moi, je pense à une couple de, tu sais, des trucs qui nous ont influencés au niveau de la sonorité. Puis on écoutait Martin Léon, puis on écoutait Beck, puis on écoutait Wilco. Fait que, tu sais, c'est pas tant de la musique des années 60 que ça, mais c'est sûr que le y a quelque chose dans l'esprit qui rappelle un peu cette... Puis il y a peut-être aussi l'accent mis sur les mélodies. Là, on n'est pas du genre à trouver une progression d'accord puis de se contenter de la première mélodie qui vient. Là, on travaille vraiment la phrase mélodique jusqu'à ce qu'elle soit taillée... à notre goût. Là. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on a retiré comme leçon des années 60. Vous dites que vous voulez pas vraiment qu'on vous accole une étiquette au niveau d'une influence. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres influences, mis à part la pop des années 60? Le cinéma de Woody Allen? On est des gros fans de jazz, donc je sais pas si dans le... On n'est pas des musiciens jazz, mais il y a quelque chose dans l'esprit... des disques, de certains disques jazz qu'on aime. Je sais pas, en fait, on est vraiment des mélomanes à la base avant d'être des musiciens, là, ce qui fait qu'on écoute plein d'affaires de plein d'époques, puis tout nous influence un peu, veut pas. Là. Mm-hmm. Parlons un petit peu de l'album qui est sorti en octobre dernier, il s'appelle Cinéma Plymouth, un peu comme avec Mauve tantôt, il faut vous demander pourquoi Cinéma Plymouth? Ben, c'est le... En fait, sur le disque, on a séparé un petit peu le disque en deux faces, parce que c'est la meilleure façon de construire un album. En fait, les albums qui nous plaisent bien souvent sont comme séparés comme ça, construits en deux faces. Puis, il y a deux facettes aussi dans les thèmes des chansons, puis dans le style un peu des chansons qui composent ce disque-là. Fait que c'est le nom d'une des pièces, Cinéma Plymouth, puis on trouvait que ça reflétait bien cet esprit-là. Donc, il y a une partie cinéma qui est très pop, justement, qui rappelle des films, mais une partie aussi Plymouth, qui est plus rock, un côté plus musclé, qui fait plus balade de char au Texas. Là. Fait que, disons que le mix parfait, c'est le cinépark pour nous. Puis, pour ce qui est des thèmes abordés sur l'album, est-ce que vous pouvez nous les décrire un peu? Sur l'album, il y a beaucoup... En fait, comme on travaille... En fait, les thématiques de l'album étaient beaucoup liées à ce qu'on écrivait musicalement. En fait, pour cet album-là, on a travaillé de cette façon-là. On écrivait la musique, puis par la suite, on écrivait des textes qui collaient aux mélodies. Puis j'ai l'impression que c'était un exercice un peu formaliste, dans la mesure où on a voulu maîtriser la musique pop des années 60 pour ensuite partir de là pour aller ailleurs. Bien, on a voulu écrire des textes qui étaient cohérents avec l'esthétique musicale qu'on avait choisi, ce qui fait qu'on parle des petites histoires de filles. Puis en fait, on a écrit She Loves You, puis I Wanna Hold Your Hand 13 fois. Puis, mais c'était conscient de faire ça aussi. Ouais. C'était pas. Puis par la suite, on va écrire des chansons anti-guerre, puis Donnons une chance à la paix. Je suis morse. Non. J'essaie de trouver d'autres tunes obscures des Beatles. Ça n'a pas marché bien. Hein. I am the world. Laisse donc faire. On peut peut-être faire une tune 10 de James Bond. Ah, cool! J'aimerais ça entendre ça, pour vrai. Donc, vous avez préparé ce CD-là pendant, vous dites, 3 ans. Il y a des chansons qui ont été écrites il y a 3 ans, mais l'album a été enregistré durant quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois, au printemps passé. Donc, on n'aura pas à attendre 3 ans avant le prochain album, là. Ah non, écoutez, il y a des belles surprises qui s'en viennent pour vous si vous êtes capable de patienter, mettons, jusqu'à Noël. D'ici à Noël, là, si vous faites les bons choix au Père Noël, vous pouvez avoir des bons cadeaux dans votre bonne Noël. Ouais, il risque d'avoir un EP d'ici la fin de l'été qui va être sorti, puis on travaille déjà sur le deuxième disque, donc ça devrait pas tarder. Pour le Noël du campeur et après ça, le vrai Noël. Pardon? Comment? J'ai dit pour le Noël du campeur, moi qui essaie de faire des blagues. Le Noël du campeur, oui. Hey. Bon, l'album est en écoute libre sur Bandcamp, parce que c'est quelque chose d'important pour vous de ne pas seulement offrir deux ou trois pièces... ou des extraits. Ou des extraits aux auditeurs? Oui, en fait, parce que on est vraiment fan de l'album en tant qu'œuvre, de ne pas avoir un album comme une simple... collection de chansons ou une compilation des chansons écrites dans l'année, là, mais de vraiment l'avoir comme une œuvre globale. C'est important de tant qu'à donner un aperçu de... Je sais pas si... Parce qu'en fait, je veux dire que l'aperçu étant le single radio, je vois pas pourquoi on devrait en donner d'autres chansons ou donner seulement... Ce serait soit le single ou l'œuvre en entier. C'est peut-être le compromis qu'on a réussi à faire, parce que on est des fans, on est encore du monde qui achète des disques, fait qu'on, quand on écrit, on compose un disque, on voit ça un petit peu dans cette optique-là. Puis le compromis avec aujourd'hui, ben, Internet, puis les modes alternatifs de communication de la musique, je dirais, ben, c'est justement ça. Ben, parfait, les pièces sont là, mais reste que le concept de disque est toujours là. Vous avez des pièces en ordre, puis il est là au complet. Vous n'avez pas juste deux, trois extraits, parce que c'est des deux, trois hits sucrés qui vont plaire à tout le monde. Puis ce qui est difficile, ou plus difficile à écouter, ben, on vous le met pas. Non, tout est là. Parfait, c'est mieux comme ça, on préfère ça. Tu parlais que tu achètes encore des CD, j'imagine que tu achètes aussi des vinyles. Ouais. D'ailleurs, Alex, ma table tournante est toujours ici, hein. Je pense qu'il faut que je reparte avec tantôt. Ouais. Ah, vous avez tourné un vidéoclip pour votre pièce Annie Hall, dont on a parlé tantôt, un clip dans lequel vous faites des petites batifoleries, là, vous gambadez comme des lapins, comme ça, un petit peu partout dans une ville que je sais pas c'est laquelle parce que je connais pas. C'est Limoilou. Limoilou, ben tiens, tu vois, il me semblait aussi. Vous venez de là, premièrement. Ouais. Donc c'est normal d'avoir tourné le clip là. On voit pas Annie Hall dans le clip, on voit pas tellement l'histoire d'amour, c'est vraiment juste des gars qui niaisent ensemble sur un divan, pas mal ça. Pourquoi avoir décidé de ne pas faire un clip avec le cliché de la fille Annie Hall dans le clip? En fait, Annie Hall est dans le divan. Elle est dans le divan. C'est l'âme d'Annie Hall dans le divan. L'âme, ouais. Ah oui. Ben, en fait, on voulait... Mais c'est parce que je pense que le clip avec Annie Hall dedans, il a déjà été fait en 1979 par Woody Allen. Est-ce qu'il a 13 ans? Woody Allen a fait le clip avec Annie Hall. Le but, c'était de traduire l'esprit de la chanson plus que d'en traduire le contenu narratif. On s'était dit, en fait, là, comme c'était le premier outil de diffusion web qu'on avait, mettons, là, puis qui est le premier truc qui allait être diffusé à plein de gens qui n'étaient pas nos amis, qui entendaient une chanson, on trouvait important de faire une espèce de présentation du groupe là, en vrai boys band. C'est ça qui est le fun. Ben, pour vrai, j'allais justement dire que ça me faisait penser un petit peu au même esprit que le thème d'ouverture des Monkees. Hein. Ouais, ben c'est exactement ça qu'on voulait faire. Voilà. On trouvait que c'était. On voulait faire un clip vraiment estival, là, qui était juste funny, que les gens allaient rire. Très bon. C'est réussi. Oui, vraiment que ça. D'ailleurs, on va rester dans le domaine de la chanson Annie Hall parce que ça a été dans le palmarès francophone. Étant donné que l'émission, c'est les palmarès, c'est fou. Je préfère tout le temps demander l'explication de la pièce qui a été sur le palmarès. Et donc, Annie Hall, qu'est-ce que ça représente? Je sais que ça a un petit peu rapport avec le film de Woody Allen, mais juste expliquer en général. Annie Hall, en fait, le texte est quasi un copier-coller des sous-titres français de la version DVD. OK, ça c'est bien. De Annie Hall, en fait, ben, pas textuellement, mais quasi. En fait, on a découvert Woody Allen puis Annie Hall ensemble. Ça a vraiment été quelque chose qui nous a marqué. Donc, on a juste voulu faire une chanson pour commémorer cette époque-là, là, qui était une époque un peu tumultueuse. Je pense qu'après avoir découvert Woody Allen avec ce film-là, on s'est tapé ensemble à peu près l'intégrale de Woody. Ouf. Fait que c'est peut-être un hommage à tout ce cinéma consommé depuis. Pour rester dans la thématique des palmarès, c'est fou. Présentement, c'est la chanson « Chérie, écoute-moi » qui est là. Tantôt, vous nous avez dit que c'était une de vos plus vieilles chansons. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, en fait, ben, c'est une des plus vieilles chansons, mais c'est peut-être une de celles aussi qui a le plus changé de l'écriture jusqu'à l'enregistrement. En fait, on avait écrit ça dans les premiers étés où on avait commencé à écrire des chansons ensemble, puis la chanson traînait, puis finalement, on a... on a décidé de la retravailler parce que musicalement ça nous convenait plus. Puis on a travaillé en collaboration avec au début de la production de l'album avec Hugo Lebel là, qui joue notamment dans Les Ghouls et dans Lesbo Vrouven qui nous aide sur quelques trucs. Et on a écrit la coda en fait là, qui était un peu notre hommage aux Beach Boys de la fin. Voilà. Ouais. On parlait tantôt du futur, de ce qui s'en venait. On a parlé entre autres du maxi et du CD qui sont en même temps peut-être pour Noël. Mais là, j'imagine que dans le futur plus rapproché, c'est des spectacles qui s'en viennent. Ouais, en fait, on joue, même ce soir, on joue avec Darren et Aino, donc à Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou. Beau spectacle. On a quand même quelques spectacles qui s'en viennent là, à Québec, puis à Montréal aussi dans les prochaines semaines. Puis cet été, évidemment, les festivals. Là, peut-être passerons-nous par Trois-Rivières dans les prochaines semaines. Peut-être. Oui. Mm-hmm. on a vu via Facebook que vous étiez à Montréal le 22 mars dernier pour la grande manifestation contre la hausse des droits de scolarité. Pourquoi vous trouvez ça important de vous afficher finalement en tant que groupe là, dans cette position-là contre la hausse? Hey, je me demande si on s'implique en tant que groupe ou si on est juste... En tant qu'individu. Individu, on est juste les quatre invités, puis ça fait que par défaut, le groupe devient impliqué. On veut juste dire ça, étant donné qu'on a vu ça sur la page du groupe, là, c'est vraiment pour ça. Ouais, mais c'est drôle. Ben, je pense, je sais pas, la question c'est pas vraiment posée. On n'a pas eu de meeting de Ben où est-ce qu'on s'est parlé dans le blanc des yeux. C'est juste à donner que les quatre gars, on est aux études, puis les quatre gars, on s'entend quand même pas mal sur beaucoup de trucs concernant ce problème-là politique au Québec. Fait que ça a juste à donner comme ça. J'ai l'impression que c'est devenu tout naturellement. On a voulu capitaliser pour se faire un peu de pub. Ouais. Aussi. Bon. pour terminer ou presque, avec quels artistes est-ce que vous aimeriez travailler dans le futur? Là, des artistes qui soient... Même, allez-y au pire avec des artistes morts. Ça vous tendait de travailler avec des artistes morts. Mettons, avec qui dans vos rêves vous aimeriez jouer? Alors, les plus gros fantasmes musicaux, présentement, moi, je rêve vraiment de m'asseoir avec Bradford Cox de Deer Hunter et d'Atlas Sound là, pour gratouiller quelques accords. Mm. Puis... voilà, écrire un hit. Un hit, on vise haut quand même. parlant de hit, votre album en est rempli, Cinéma Plymouth. Je pense que ça vaut la peine d'être dit. On a eu déjà plusieurs pièces sur les palmarès. Annie Hall, Madeleine, Chérie, écoute-moi. Mais si, à part ces pièces-là, vous aviez à choisir une pièce, peu importe la durée, peu importe le contenu musical ou n'importe quoi, genre même si vous pensez que ça jouerait jamais à radio, votre préféré de l'album que vous avez envie d'entendre là, mettons. Oh! Hein? Là, il s'agit qu'on réponde la même chose les deux, hein, sinon on a de l'air un peu bouffon. Peut-être. Ou peut-être qu'on a du temps pour les deux aussi. Oh! God! Hein, je m'avance pas. C'est de même. C'est moi qui décide. Moi, j'ai le goût de vous dire... j'ai le goût de faire Madeleine. Parfait. On aime ça. Parfait. Et est-ce que c'est un consensus ou quelqu'un d'autre veut... Oui, allons-y pour ça, ça va. Madeleine, parfait. Bon, on va entendre ça. Madeleine sur l'album Cinéma Plymouth de Mauve et on vous remercie vraiment beaucoup de votre présence. Merci à vous, la gang. Merci. C'est fou, c'est un appel conférence, toi. Je vais passer ça. Après ça, on va faire des étoiles 69, on va faire des boîtes vocales. Toutes les options de belles vont être prises par cet appel-là. on se revoit peut-être, mettons, à Trois-Rivières. Ou... Ouais, peut-être prochainement. Ouais. Je pense que j'ai un lunch prévu dans le coin. Ah ouais. Je vais te dire salut. Okay. Bon. Okay. Merci. Merci. Salut. Bye. C'était subtil, hein? Subtil. Jusqu'à... Ouais. Okay. Ouais. Madeleine, tu me fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. On fait des vrilles pour quelques billes. Madeleine, tu fais ta vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants. Sur l'arc-en-ciel, au Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en enjolant mes sens qui en négligent tes basses voltiges. Vas-tu une autre fois m'inviter à prendre tes écustères, les étoiles dans tes yeux. Mauve et la pièce Madeleine sur l'album Cinéma Plymouth. On remercie encore une fois le groupe Mauve pour l'entrevue, c'était excellent. Très sympathique. Ok, oui. Nous, ça va être la fin de la deuxième heure des palmarès C'est fou. On se retrouve tantôt avec tout le reste. En fait, on va avoir un bon bout de palmarès. On va aussi avoir Drop the Bass avec DJ Cathardy, un instant classique. Ailleurs dans les palmarès, ça finira plus, je pense. Hein? On y va tout de suite. Ok, voilà, pause. Go. Dépêche, ouais, joue. Mon petite chanson, joue plus vite que ça. Et déjà, c'est vite dans la même chanson. Et aussi vite que moi je parle en ce moment. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 avril 2012. Elle s'appelle Jasmine Raymond Dréville. Il s'appelle Mathieu Plante. Oui, DJ Cathardy qui est déjà en studio. On peut quand même l'introduire. Salut. Salut. Ça va? Ça va très bien, toi? Comment est-ce que super bien. Moi, ouais, super bien. Après une entrevue avec Mauve comme ça, là, tu sais, comment ça peut mal aller? Ça a bien été, hein, je pense. Je pense que oui. Ils sont sympathiques. J'avais pas d'écouteurs, fait que j'ai pas trop entendu, mais ils sont sympathiques puisqu'ils étaient plus qu'un. Voilà. C'est super. On va se dépêcher, passer par-dessus quelques trucs. On va sauter par-dessus la position numéro 6 francophone. C'est Brûle qui descend d'une place. On va aller directement en anglophone. Avec Fogo Island de Topanga. Au 89 FM, c'est les palmarès. C'est fou. Et tantôt, on va dropper le... C'est quoi aujourd'hui qu'on on drop? On va drop le swing. Drop le... Drop le ouf. Ben, la musique swing. Swing. Sinon, ouais, sortez le axe. On va dropper la bass, mais il va avoir un petit peu moins de bass que d'habitude. Mais je pense que c'est une bonne chose. Il faut savoir varier. Soumets-toi tes écouteurs la prochaine fois parce que tu rates le début des paroles comme. Lost my lover on an eastern coast. This forest grows. Forever. Topanga et Fogo Island, ça descend de 3 places dans les palmarès, c'est fou. Ouais. Ouais, on a sauté par-dessus, ben en fait, on avait entendu on va sauter par-dessus plein c'est de ça, choses. C'est ça, parce que tantôt c'était mauvais, chérie, écoute-moi, mais ça fait un bout de ça. On va sauter par-dessus les 6e places au complet en anglo, ce serait Half Moon Run, l'ancien numéro 1 avec Full Circle. En français, ce serait On a créé un monstre avec Brûle qui redescend d'une place. On va aussi sauter par-dessus la 5e position francophone, Galaxy avec Entre la lumière et le bruit. On va aller entendre la position numéro 5 anglophone. Ça te va? Oui. Je viens de décider ça de même. Parfait. Are you gonna waste my time tout de suite? 89 FM, c'est fou. Changement de plan. Correct. J'ai envie de l'entendre. Des petites surprises. Et courte. Ça passe bien. Flim-flam, tout en prenant mon bain. C'est splish-splash. Flim-flam. Pas une sorte de gâteau, un flam. Sitting in your garden room, watching the flowers grow. Hey, you were on my head. You didn't hear a thing I said. But not at all. Please to be rocking from the earliest sunrise. Do it again to the glorious moonlight. Oh no, can you feel it in your spine? The force of gravity, a weight on your mind. And then I got sick from the cigarette. me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir, je file mon cerveau ramollir. Rien dire de particulier, c'est juste que ça va être le bloc qui fit le moins ever. Ça va être drôle. Numéro 4. Changement de style, mais complètement. Je trouvais ça drôle. Mais ce n'est pas. Cocasse. Loufoque. Hey, deux animaux en même temps. Loufoque, c'est comme un chien-ours. I'm Times et Oblivion, c'est la position numéro 4, ça descend d'une place. Du côté francophone, on a entendu Lisa Leblanc avec Cerveau Ramolli qui monte de 15 places quand même. Bloc spécial, c'est très... Hétéroclite. Les deux extrêmes, mettons, t'sais. Maintenant, ben, parlant d'extrême, t'sais, pas pour dire que ta chronique est pas dans le même genre que la musique des palmarès, mais c'est un peu le but en même temps de sortir de notre créneau indie avec ta chronique DJ, tu trouves pas? Ben certainement. Moi, je le dis, à toutes les semaines, on sort de notre zone de confort. Des fois, un petit peu plus que d'autres. Cette semaine, ça va être plus relax. OK. Fait que... Est-ce qu'on drop quelque chose? Qu'est-ce qu'on drop maintenant? On drop the bass. OK. À l'ancienne. Old school style? Ben, à la classique. Puis cette semaine, ça va être Saveur Electro Swing qui est à l'honneur. Donc, je vous explique la raison de ma thématique. C'est que cette semaine, il va y avoir le défilé du Collège de la Flèche, soit le défilé Flèche Mode 2012. Okay. Et la thématique cette semaine, c'est Cabaret des vanités. Donc, on parle cabaret, on parle vraiment, tu sais, les petites robes Charleston, les madames avec des waves d'un cheveux. C'est super cute. J'adore ça, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, ça va être super trippant. Puis c'est moi qui mets la musique. Donc, évidemment... Ça peut pas être mauvais. C'est ça, non, mais ça sera pas mauvais, mais c'est surtout aussi leur sélection. Moi, j'ai juste un rôle secondaire dans ça, mais je suis super emballée par le projet, donc j'ai décidé d'étirer le plaisir jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va y aller avec une chanson qui est pas nouvelle. J'ai l'habitude de mettre beaucoup de nouveautés. La deuxième chanson va l'être, mais la première, c'est Gramophonesy, Why Don't You? Puis, juste après, directement, on pas de pause, on reste dans le vif du sujet avec Dub Virus Belleville Bass, qui est, ben, tu sais, c'est Drop the Bass quand même, fait que faut rester dans notre créneau. Mais c'est un remix un peu dubstep de la chanson Les Triplettes de Belleville. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être 2 ans, là, ça avait pogné. Ben oui. Oui, fait que moi, j'ai toujours bien aimé le petit côté feel good de la chanson. Ouais, c'est cool. Fait que on reste là-dedans. Gros feel good son, puis c'est ça, Gramophonesy et Dub Virus. Drop the bass. You had a plan in 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. Get out of here and get me some money too. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up Donc, Drop the Bass, c'était un remix un peu dubstep d'une chanson un peu électro-swing. Les Triplettes de Belleville. C'était bon. Ouais, c'était pas pire. Oui. Dub Virus. Puis là, on va enchaîner tout de suite avec Caravan Palace. C'est vraiment un bon groupe. J'ai mis le lien de téléchargement de l'album au complet parce que l'album, il est sacoche. Qu'est-ce que t'en penses, Jessie? J'en pense que je l'ai puis que j'adore ça. Super. Fait que c'est ça. Vous avez aussi un petit remix dubstep de la chanson qui va jouer. J'y étais safe aujourd'hui. J'ai failli mettre la version dubstep. Là, je me suis dit, oh, on a une petite toune. Relax, on va y aller mollo pour le palmarès. Assez bon, fou. Épargne-moi pas trop tant que ça. J'ai l'air d'un gars fermé à... aux choses qui bougent trop, ça. Non, mais c'est ça. Si vous êtes curieux d'entendre ça sonne quoi, ben c'est sur mon site djetcatardi.com. Et on enchaîne tout de suite avec Caravan Palace, Jolie Coquine. Donc, c'était Caravan Palace avec Jolie Coquine, un super groupe. Et avant, c'était Dub Virus et juste avant, Gramophone. Mais vous pouvez tout retrouver sur mon site, sur mon blog musical de découverte, djetcatardi.com. Et c'est ce qui conclut ma chronique Drop the Bass sur les ondes de C'est fou dans le cadre de l'émission Palmarès. Ok, ouais. Hey, je vous conseille d'aller voir le vidéoclip pour Jolie Coquine. Sérieusement, c'est très, très bien fait en carton, genre, super beau. Ouais, hein, ouais. Ben... Je suis bien d'accord avec ça. C'est? Ouais, c'était un beau petit vidéoclip. Donc, cette semaine, la thématique électro swing, c'était vraiment dans le cadre de promouvoir l'événement de la fin de semaine. Le cabaret des vanités, le défilé du La Flèche, qui aura lieu au Delta. Les billets se vendent à la porte le samedi 7 avril qui s'en vient. 15$ en billets réguliers, 30 VIP. Puis, Fabiola Toupin va chanter à l'entracte. Ça va être super le fun. J'ai bien hâte. Comment t'appelles ça encore une fois? Cabaret des vanités. Le cabaret des vanités. Moi, j'ai juste hâte au cabaret des lavabos. C'est à l'Hôtel Delta à 8h. Merci d'avoir... T'as bien fait de passer par-dessus la blague. Ouais, t'as bien fait ça. Cabaret des vanités. Et des lavabos. T'as, oui. On se comprend? Ça oui. De bien. Tu m'as dit de pas rire de mes propres blagues, je pense, c'est ça? Laisser les autres rire de mes blagues. Mathieu, pince sans rire, plante, c'est toi. J'essaie de retenir la... Ouais, c'est ça. Donc, toujours au palmarès, c'est fou. Merci, Catardi, évidemment. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. T'es bonne? Merci. Ouais. On est rendu aux positions numéro 3 et 2. On va les entendre dos à dos, mais avant ça, on prend une petite pause. Ça vous va? Jasmine? Oui, oui, cool. Top shape. Top shape. Lavabo, non? Non. Pas de blague de celle-là, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Hey, c'est toujours les palmarès, c'est fou pour la semaine du 2 au 8 avril 2012. Moi, c'est toujours Mathieu Plante en passant, comme ça. Ouais. Moi, c'est encore Jasmine Raymond-Drainville. Puis elle, hein? Toujours Catherine Hardy, DJ Catardi. Oh, Madame Catherine Hardy, hein? Acquis de droit. Et, j'ai un vrai nom, oui. Saluer mes meilleures expressions les plus distinguées, hein? Non? Dis ton nom complet, ça fait formel. Je te connais en tant que DJ, moi, t'sais. Ben, je suis une personne avant d'être DJ. Non, non, c'est surtout un personnage. Ouais. Bon, ben, si tu y tiens. T'es une personne. Dedans. T'es une personne à part entière. Bon, ça te va? Oui, oui, correct. Oui. Mais en tant que personne, je dois maintenant quitter, aller travailler au Carlito. Au Carlito, on pourrait en même temps plugger un petit peu ta performance ce soir. Oui, ben c'est super relax, mais si vous avez envie de prendre un bon verre avec de la bonne musique, je suis là. Bon. T'es vendeuse pas mal, toi. Ah oui, je prends les demandes spéciales. Oh oui? Oui. C'est à peu près tout. OK. Ben, soyez-y. Carlito ce soir. Be there! Ça, c'est le jeudi, évidemment, pour les auditeurs qui nous écoutent en direct. On va faire un petit bloc, comme on disait avant la pause, de 4 pièces. Donc, deux positions à part entière, là aussi, comme une personne, mais un bloc à la place. Donc, il va y avoir, avec podcast, il y a Foxy Shazam et Rocco Code. Mais on débute en position numéro 3, Franco. Avec Mon corps de Ariane Moffat, qui reste stable en troisième. OK. Ça aussi, c'est vendeur, mon corps. Vendre mon corps. Ouais. Faut pas faire ça. Non. Petite claque ça à la main. Pas correct. Quoi faire avec mon corps? Le coucher tôt, le lever tard, lui faire le sport. Quoi faire avec mon corps? L'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort? Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir? Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort? Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai. À quoi bon le laisser flamber? Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai. À quoi bon se laisser tomber? Quoi faire avec mon corps, le trafiquer pour parvenir à trahir son âme? Quoi faire avec mon corps, lui visser des futons aux talons pour le confort? Quoi faire avec mon corps, le vent? numéro 3. Toi, tu as ce talent. Toi, tu as Give me one.

connais pas tes comptines. Mais je trouve qu'on dirait la famille d'Arèche. On dirait, hein? C'est très, qui? Très mauvais. Je dirais pas c'est qui quand même. Ce serait méchant un peu. Oh mon Dieu. C'est un extrait que j'ai récolté sur... Épouvantable, je dirais. Sur Internet. Oui, c'est quelque chose, c'est pénible. Ouais. Donc, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis. Je me suis dit, un extrait de musique pénible irait bien avec les moments pénibles qu'on a vécu cette semaine. Mais c'est parce que ça rimait même pas. Non, je sais, c'est bon pour ton cœur. C'est bon pour ton père, que j'ai entendu. Ah, c'est votre coucher parce que tu tombes ses nerfs. Ouais. Fait que c'est bon pour ton père, c'est bon pour toi aussi. R-I, ça ne rime absolument pas. OK. C'est ça, poète-là, ouais, vraiment beau. Attends un peu, c'était où, c'était-tu, dans ces coins-là? Je pense que c'est ici. OK. Allez-y. C'est bon pour ton père. Ton père. Ton père. Bon pour toi aussi. Bon pour toi aussi. OK. Non, ça va aller. Quand même, c'est beau la chorale. Bon. Ouais, non. Ouais. C'est un genre. Ouais. Donc voilà pour les meilleurs moments d'assemblage requis. Ça repasse du lundi au jeudi entre 7h et 9h, évidemment, de toutes nouvelles éditions avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. Et puis, c'est ça. On aime ça. Ben oui. C'est cool, on a du plaisir, on se lève tôt le matin. Lundi, évidemment, on doit vous dire qu'il n'y a pas d'émission. En fait, il y a une émission, mais c'est pas en direct. Et puis, on revient en direct mardi à 7h. Ouais. Et on va fusionner les deux émissions du lundi et du mardi avec nos chroniqueurs des deux émissions ensemble, bout à bout. Méchant party. Hey, on va être remplis dans le studio, là. Sur un gros ail de sucre de chocolat de Pâques. Et Colin, c'est ben trop vrai. La fête des lapins, en fin de semaine. Oui, puis 2 litres de lait. Oui, lait au chocolat noir, en passant, il y en a, hein, ça existe. Mais est-ce que c'est bon? Je sais pas, j'ai pas goûté. J'ai vu ça à l'épicerie l'autre fois, je suis déjà pas tant allé au chocolat que ça. Ma copine en a bu parce qu'on a acheté, tu sais. Et puis, j'ai laissé trop longtemps là. J'en ai pas bu, puis je pense qu'il est plus bon. Parce que ça fait comme un mois. OK. Ouais. Faudrait que je le jette d'ailleurs. Ouais. Il nous reste seulement les numéros 1, donc on va y aller tout de suite. Et je crois que numéro 1 veut dire jeu de mots. Ouais, vas-y. lançons-nous. Caroline, je fais des jeux de mots depuis le début des palmarès. Depuis ma période des palmarès, c'est fou. Il y avait des palmarès, c'est fou avant moi, croyez-le ou non. C'était bon dans le temps, t'sais. Et puis, ça me rappelle tellement des souvenirs. Des souvenirs sur moi qui vous tire des jeux de mots en pleine face, là, comme une mitraillette. Souvenir en mitraille de Dumas. C'est ça. Pas pire quand même. Ouais, quand même pas si pire. J'ai pas l'air de ça. J'ai pas l'air d'avoir la tête de l'emploi ou être, l'habit fait pas le moine, etc. S'habiller pour aller le métier. Dans l'espace. Ou comme un astronaute. C'est ça. Glenn Buzz Lightyear, la chose, l'astronaute. Là, Buzz à l'infini, plus loin encore. C'est ça. Buzz Goodyear. Avec son pneu, un peu comme moi en ce moment. Dress for Space de Foxy Shazam tout à l'heure. Vous aurez compris, on débute avec Souvenir en mitraille de Dumas. Qui, je tiens à le dire, était une nouvelle entrée la semaine passée. Donc, numéro 20. Position quand même. À la première. Saut de 19, j'ai rarement vu ça. Jamais vu. Comme un astronaute, comme Buzz Goodyear, là, qui s'envole vers les autres constellations. Là. Mm-hmm. Mettons? Non? Buzz Goodyear, on dit. Ma solitude est infinie. Plus je pense me rapprocher, plus je m'éloigne. Comme une course sans fin au bord d'un ravin. Sentir ma main dans ma main. Des saisons à mesurer ton départ, on tira des millions d'années. Je pense à toi, mille fois par jour, mille fois sans toi. Thank you. et en première position. Première place des palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 avril 2012. Avant de dire nos numéros 1, on fait un petit récapitulatif. Oh c'est donc cute. Je te gâche que tu veux faire le côté francophone? Ouais. D'accord, vas-y. Donc, en troisième place, les nouvelles entrées, hein? On les dit-tu, non? Non. Juste les troisièmes. Bon. Donc, la troisième était Ariane Moffat, tout comme la semaine passée avec la pièce Mon Corps. La deuxième position avec Podcast, avec Talent, qui était l'ancien numéro 1. Donc, nous avons un numéro 1, un nouveau numéro 1 cette semaine, Dumas, avec Souvenir en mitraille, qui était une nouvelle entrée en 20e position la semaine passée. Dur à croire, mais vrai. Du côté anglophone, en troisième, c'est Rocco Cole avec Empire. En deuxième, ça monte de trois places, Holy Touch de Foxy Shazam. Et en première place, on vient d'entendre Trust avec Dressed for Space, qui monte de 12 sur l'album TRST. Voilà pour les palmarès, c'est fou. On va se retrouver la semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 17h pour une autre nouvelle édition. Ce qui après nous, c'est La Spirale à 18h avec Mathieu Leblanc-Houl. On passe les vendredis soirs à 17h. Après nous, à 20h, c'est Les Choix de l'Enfer. Et finalement, les lundis, c'est jamais plus drôle à chaque fois que je le fais. Non, c'est mais ça. Lundi à 13h, c'est là qu'on repasse pour la dernière fois. Et ça, ce qui après nous, c'est Le Boudoir avec les Ladies qui vous présentent des chroniques des plus farfelues et intéressante. Ça commence à 16h. En passant lundi, comme on disait tantôt, reprise d'assemblage requis. On va être de retour mardi à 7h. Mais c'est ça, ne vous en faites pas. Il va y avoir le dîner de con quand même à 11h aussi, en reprise. Dégusteront-ils du chocolat de Pâques? Ah, des petits lapins? C'est la fête des lapins, en fait, cette semaine. Faut, ça peut être plein de choses en chocolat, par exemple. Hey, on doit se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Jasmine. Merci, Mathieu. Merci à DJ Catardi. Merci au Gun Mauve. Oui. Quels sympathiques messieurs. Je les aime. Oh, oui.